Bilan 4, page 175. Exercice 1. A. Pire, père. B. Ce. C. Cure, cœur. D. Nous, nos. E. Mouche, mouche.